Mais je te caresse. Si tu veux partir par aussi dans ta caresse. J'ai l'habitude d'être seul. J'aime trop ta mort, comment tu parles, y'a quoi te lover. Je serai là pour toi même si souvent je t'ai fait pleurer. Dis-moi c'est qui m'a pas, dis-moi qu'est-ce qui pourrait te faire rigoler. Et je ne crois plus au coup de foudre que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé pour le foudre, t'aurais pu déplacer des tours. Et je ne crois plus au coup de foudre que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé pour le foudre, j'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Je suis pas très bien ce soir, oh, oh. Je fais celui qui dort, dort, dort, dort. Et elle me croit fortunée, parce qu'à chaque fois que je sors, on sent le boxing, tu ris. Je n'ai pas eu trop le time de faire tout ce que tu voulais. Pour oublier nos disputes, des fois je me mets à rouler. À chaque fois qu'on parle plus, je vois notre bateau couler. Je t'ai dit que je t'aimais, j'ai vu tes larmes couler. Et si j'aurais donné ce que j'avais, tu m'aurais déjà mis dehors. Tu es qu'une femme qui se respecte, ça vaut plus cher que de l'or. Et je ne crois plus au coup de foudre que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé pour le foudre, j'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Faire pour elle, cœur blessé pour le foudre, j'aurais pu déplacer des tours. Et je ne crois plus au coup de foudre que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé pour le foudre, j'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Oh mais dis-moi lady.